Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les lettres de français au président Wilson. These letters, I think, do more to keep me in touch with what's happening around the country than just about anything else. Some of them are funny, some of them are angry. A lot of them are sad or frustrated about their current situation. Ce n'est pas le président Wilson que vous entendiez, mais on va y revenir tout au cours de l'émission au président Wilson. C'est le président américain Barack Obama qu'on vient d'entendre. M. Obama qui explique en 2009 l'importance de ces lettres que lui envoient les Américains pour le garder en contact avec la réalité de ses électeurs. Chaque jour, le président Obama lit 10 de ces lettres, des lettres parfois tristes, parfois amusantes, mais toujours révélatrices de la situation que vivent ceux qui lui écrivent. Écrire au président, pour certains, le geste peut paraître inusité. Pour d'autres, au contraire, il fait partie de la vie en démocratie. Et dans l'histoire des correspondances présidentielles, un épisode particulier continue aujourd'hui encore de se démarquer, celui, justement, du moment où ces milliers de Français ont envoyé une lettre au président américain Woodrow Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale. Des milliers de Français, riches, pauvres, jeunes, vieux, qui ont pris la plume pour écrire à cet homme qui incarnait pour eux l'espoir d'un monde meilleur et d'une paix durable. Cher Monsieur le Président, personne peut-être ne vous bénira davantage que ces hommes et ces femmes simples qui parlaient de vous hier. Ils ne comprennent pas sans doute toute l'étendue de votre œuvre. Mais ils en sentent le bien immédiat. Ils savent que vous avez abrégé la guerre. C'est-à-dire que vous avez accompli l'œuvre magnifique qui partout et toujours est la plus pure gloire de l'homme. Que vous avez épargné la souffrance. Et c'est pour cela qu'après les grands soldats alliés, sublime phalange des héros morts et des héros vivants qui l'ont sauvé, c'est à vous que la France entière veut crier « Merci, merci ». Extrait d'une lettre de Mme Cornillac au président Wilson en décembre 1918. Pour nous faire découvrir cette page d'histoire méconnue, l'historien Carl Bouchard, spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui vient tout récemment de publier l'ouvrage « Cher Monsieur le Président, quand les Français écrivaient à Woodrow Wilson », publié aux éditions Champvallon. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Monsieur Bouchard, cette histoire des lettres de Français au président Wilson n'est pas très connue. Comment vous-même en êtes-vous venu à travailler sur ce sujet-là? Oui, comme souvent dans les démarches historiques, c'est fruit d'un hasard, mais un hasard préparé. Donc, j'avais depuis plusieurs années un intérêt sur la façon dont les gens ordinaires envisagent les relations internationales. Donc, comment au-delà de la diplomatie, des hommes politiques, on peut penser l'international et on peut penser la paix au niveau international. Donc, depuis le doctorat, je travaille sur ce sujet. Et c'est un simple hasard. Je suis tombé un jour, et c'est important de lire les notes en bas de page, dans une note en bas de page d'un ouvrage des années 60 qui parlait de la popularité de Wilson et qui disait « On retrouve dans les archives présidentielles des lettres envoyées par des citoyens ordinaires à Wilson ». Et c'est resté dans ma tête. Et puis, quelques années plus tard, après le doctorat, je me suis dit, je vais aller voir ces lettres. Et là, j'ai découvert ce formidable corpus. Ce fouillis, j'imagine. Est-ce que c'est bien, vous êtes allé à Washington, donc c'est là où se trouvent ces lettres. Mm-hmm. Vous vous êtes retrouvé là-dedans assez facilement? C'est effectivement un fouillis parce que, et ça montre aussi l'importance qu'on accordait à ces lettres auparavant. Les lettres ont été conservées, mais comme ce sont des lettres qui sont considérées comme non importantes, marginales, elles ne sont pas traitées comme les lettres plus importantes. Et donc, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas d'index des lettres. Elles ne sont pas en ordre chronologique. Il n'y a pas de numéro, de folio, par exemple, comme on retrouve dans d'autres documents. Alors, c'est très difficile de naviguer à travers ces lettres-là. Et pour nous, ça a été un grand projet de recherche aussi, c'est-à-dire récupérer les lettres, acheter les microfilms, numériser tout ça, indexer l'ensemble des lettres. Donc, c'est un gros travail aussi de chercheur. On reviendra sur ces lettres un peu plus tard dans l'émission, mais un mot quand même sur ce qu'on vient d'entendre. Madame Cornillac, de quelle manière cette lettre-là, elle est représentative ou intéressante des milliers de lettres que recevra Wilson? Oui, déjà, elle est intéressante parce que dès le début, à l'arrivée de Wilson à Paris, on en parlera tout à l'heure, Wilson arrive pour la conférence de la paix, pour signer la paix qui clôt la Première Guerre mondiale. Et on a un afflux de lettres dès le départ. Les premiers jours, c'est très, très, très impressionnant de voir le nombre de personnes qui peuvent écrire à Wilson. On a déjà son adresse. L'adresse a été publiée dans les journaux. On sait où il va résider et on lui écrit. Donc, les les témoignages de gratitude dès le départ sont extrêmement importants. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à travers la dette de Cornillac le rôle qu'on donne à Wilson. Il a abrégé la guerre. Oui. Et c'est particulièrement intéressant dans la mesure où les Américains ont participé de façon marginale au conflit. Mm-hmm. Ils sont là, ils sont en déclaration. Ils ont déclaré la guerre en avril 1917. La guerre s'est terminée en novembre 18. Et jusqu'à l'été 18, ils sont très peu présents sur le front. Mm-hmm. Et pourtant, les Français sont convaincus que c'est grâce à eux qu'ils ont gagné la guerre. Ça, donc, il y a aussi une dimension de propagande qui est très intéressante. Oui. On reviendra aux lettres donc dans quelques minutes, mais un mot quand même, parce que c'est un homme intéressant, sur Wilson, sur sa présidence. Qui est-il, M. Wilson, Woodrow Wilson? C'est un homme intriguant. C'est un président important et c'est intéressant aussi de voir le hiatus entre son importance réelle et ce qu'on a gardé aussi de lui. Dans l'opinion publique américaine, c'est un président assez oublié, en fait. Et dès qu'on parle aux politologues, aux historiens, à ceux qui connaissent un peu plus l'histoire américaine, il devient extrêmement important. En fait, il est classé parmi les 5 présidents les plus importants si on s'intéresse aux sondages menés auprès des politologues et des historiens. C'est un personnage important, moins pour sa politique intérieure que pour son action extérieure. Il a... Sur le plan intérieur, quand même, il est assez progressiste. Ça, on peut déjà dire ça. Il est progressiste, oui. En même temps, il est aussi très conservateur sur d'autres plans. Il a été progressiste, par exemple, pour certaines loi, notamment sur le travail des enfants, la création de la Banque fédérale américaine, par exemple, pour le contrôle du crédit, la question de la grève. Par contre, il a encouragé le ségrégationnisme à Washington, dans les bâtiments gouvernementaux. Il n'a rien fait, en fait, pour la cause des Noirs, alors qu'on avait quand même des attentes à son égard. Mm-hmm. Et ça s'est reflété aussi au niveau international, puisqu'il n'a pas aussi réalisé tout ce qu'il avait annoncé auprès des populations colonisées, par exemple. Et sur le plan extérieur, il y a là aussi une présidence en contraste, disons ça comme ça, parce qu'on y vient dans un instant. Wilson et la guerre de 14-18, il sera l'homme de la paix, mais en Amérique, c'est l'homme des interventions, des invasions, mais sur le continent en Amérique centrale, entre autres. Exactement, en Amérique centrale, au Mexique, plusieurs interventions au Mexique pendant son Haïti. Mandat. Haïti, effectivement. Donc, il a c'est un personnage extrêmement contradictoire en ce sens-là, et aussi assez intéressant pour avoir généré une littérature en soi. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Wilson et au wilsonisme et au rapport aussi personnel que Wilson avait avec la politique. Mm-hmm. Il faut quand même dire que c'est le seul président ou homme politique qui a eu l'honneur d'avoir un ouvrage de Freud. Freud s'est intéressé à sa personnalité et a fait une psychanalyse a posteriori de Wilson. Donc, c'est aussi, ça montre aussi l'ampleur de l'ambiguïté, en fait, de l'ambivalence du personnage. Ouais. Et c'est quelqu'un de très, petite parenthèse, mais quand même, fin du 19e siècle, de très, très éduqué. Mm-hmm. Il va fréquenter de grandes universités. Il va étudier, il va enseigner, il va être président de l'Université Princeton, docteur, donc, dans les années 1850, par là. Wilson et la guerre, et la guerre de 14-18, vraiment, il va être contre cette l'idée d'entrer dans cette guerre-là. Il va même faire campagne, Karl Bouchard, en 1916, lors de sa réélection à la présidence des États-Unis, en disant « Je suis l'homme qui fait que nous ne sommes pas en guerre ». Absolument. La neutralité américaine est extrêmement importante au départ, dès les premières semaines. Dès le mois d'août 1914, lorsque les pays européens entrent en guerre, Wilson, dans un premier discours, dit « Non, nous restons en paix, c'est une position de principe ». Et en fait, il se présente comme celui qui garde, c'est un peu le fiduciaire de la paix, c'est lui qui garde la paix en réserve pendant que les nations européennes se battent. Et lorsque le conflit sera terminé, l'Amérique va ramener la paix. Donc, il se présente comme le gardien de la morale internationale, gardien de la paix internationale. Et pour lui, c'est une position de principe extrêmement importante. Dans la réalité, par contre, l'opinion américaine se déchire sur l'opportunité ou non de faire la guerre et d'intervenir. Par exemple, les républicains sont beaucoup plus prompts. C'est le cas, par exemple, de Theodore Roosevelt, qui, lui, aurait intervenu probablement beaucoup plus tôt. Il la fera, la guerre, malgré tout. En 1917, il décide d'entrer, de déclencher cette guerre contre l'Allemagne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il décide? Plusieurs raisons. La première, c'est que l'économie américaine est maintenant affectée par la guerre. À partir de janvier 1917, les Allemands entrent dans ce qu'on appelle la guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire que tous les navires qui frôlent les eaux britanniques seront coulés, qu'ils soient neutres ou non. Et ça affecte le commerce aux États-Unis. Ça correspond aussi à un changement dans l'opinion publique. Wilson sent que l'opinion publique penche à une neutralité bienveillante à l'endroit des alliés, ce qui est le cas depuis déjà plusieurs mois. Et puis, ce qu'il doit, c'est d'arriver à convaincre en fait la population américaine que l'intervention est nécessaire. Mm-hmm. Mais il doit placer cette intervention dans une démarche qui est beaucoup plus longue, puisque les Américains, depuis le 19e siècle, sont non-interventionnistes en Europe. Ils veulent se détacher des questions européennes. C'est le cas depuis la doctrine Monroe de 1823. Et donc, il va devoir convaincre les Américains de du bien fondé de l'intervention. Et ce sera l'objet d'une grande campagne de propagande. Il y aura un grand discours très, très important parce que donc, il accepte d'entrer en guerre. Mais c'est important, on parlera du wilsonisme dans un instant, il accepte d'entrer en guerre, mais toujours dans cette idée, au nom de la paix, en fait, pour préparer la paix. Ça va donner donc ce discours très, très important, très célèbre, le fameux discours des 14 points devant le Congrès américain en janvier 1918. Premièrement, pas de traité secret. Deuxièmement, liberté des mers. Troisièmement, égalité commerciale. Quatrièmement, réduction des armements. Cinquièmement, réorganisation des colonies dans l'intérêt des indigènes. Sixièmement, évacuation de la Russie. Septièmement, évacuation et restauration de la Belgique. Huitièmement, évacuation de la France et règlement de la question de l'Alsace-Lorraine. Neuvièmement, rectification des frontières italiennes. Dixièmement, indépendance des peuples de l'Autriche-Hongrie. Onzièmement, ajustement dans les Balkans. Douzièmement, libre passage dans les Dardanelles. Treizièmement, indépendance de la Pologne avec accès à la mer. Et enfin, création d'une association de nations qui se garantiront réciproquement leur intégrité territoriale. Alors, au-delà de l'énumération, Carl Bouchard, qui a été lu dans cet extrait par les comédiens Louise de Cespedes, Jean Fontaine et Estelle Picard, de quelle manière, en quoi ce discours des 14 points est-il important? Il est très important parce que Wilson, à travers ce discours, va présenter ce qu'il perçoit comme les causes de la guerre, de façon générale, dans un premier temps. C'est-à-dire que si on a la guerre, c'est parce que les traités sont secrets, les ententes sont secrètes. Donc, il y a une méfiance internationale liée au contexte des traités. Si on a la guerre, c'est parce que les États s'arment, donc il va falloir travailler sur le désarmement. Si on a la guerre, c'est parce qu'on a un nationalisme économique très fort, et il faudra favoriser le libre-échange. Donc une première partie de ces points, c'est sur les origines des guerres en général. Oui. Deuxième portion, c'est les conditions territoriales du conflit qui est en cours. Alors comment on peut faire pour essayer de fonder une paix qui se tient? Eh bien en ayant des partages territoriaux, revenir à des conditions qui vont satisfaire les gagnants comme les perdants. Et puis le dernier point, c'est le 14e qui est plus important, c'est que Wilson dit « pour arriver à garantir une paix qui soit durable après la guerre, il faut qu'on ait une organisation internationale ». Et c'est ça la grande nouveauté en fait, ces fameux 14 points. Mais ils sont importants aussi parce que c'est un document de janvier 1918. Ça fait déjà plusieurs mois que Wilson dit des choses qui sont semblables. Il y a déjà un discours en janvier 1917 aussi important qui s'appelle le discours de la paix sans victoire où il annonce à peu près les termes des 14 points de l'année suivante. Mais c'est important parce que le rôle des États-Unis devient important, ce qui fait que les acteurs de la guerre vont finir par faire de ce document-là le guide pour la paix qui va suivre. Ça va mener où, cette vision, K. Wilson, au bout du compte, entre autres, cette organisation internationale dont il rêve, la Société des Nations, qui va exister, mais qui va être, au fond, une manière d'échec, en un mot. C'est effectivement, c'est le grand projet de Wilson. C'est ce qu'il veut absolument mettre de l'avant dès le début de la conférence de paix. C'est une première organisation internationale d'envergure. C'est l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. C'est une organisation qui aura des faiblesses, effectivement. La plus importante, c'est que les États-Unis n'en feront pas partie. Pour toutes sortes de raisons politiques, le Sénat américain va refuser de ratifier le traité de Versailles. Et les Américains ne seront donc pas dans la SDN. Il y a aussi des mesures techniques qui rendent la SDN un peu moins forte. Mais une chose importante, c'est que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée une nouvelle organisation internationale. Donc, malgré les faiblesses de la SDN, on reconnaît que c'est un espace de discussion. Un germe. Exactement. Que ça change la norme au niveau international, puisque les États, désormais, vont se rencontrer et vont discuter en public de leurs problèmes. Donc, c'est dans ce contexte de fin de guerre, de négociation de la paix, que Wilson va se rendre en Europe à la fin de 1918 et au début de 1919. Résolu à n'épargner aucun effort, il s'embarqua pour l'Europe. Premier président à quitter les États-Unis durant son mandat. À Paris, il reçut une ovation chaleureuse. Tout au long du cortège, des milliers de Français l'acclamaient. Des gens qui prononçaient peut-être mal son nom, mais qui savaient tout ce qu'il représentait. Wilson sentait que derrière l'homme, on applaudissait plus encore ses idées. Cet enthousiasme allait à tout ce qu'il représentait, la paix, la liberté, un monde en sécurité. Le jour suivant, Wilson traversa la Manche et retrouva en Angleterre les mêmes acclamations que sur le continent. Dans l'église de Carlisle, où avait prié son grand-père, il devait proclamer « C'est la force morale qui est irrésistible. C'est la conscience du monde que nous essayons de placer sur le trône que d'autres veulent usurper. Ensuite, ce fut une visite à Rome. L'enthousiasme qu'il y rencontra dépassa encore les accueils précédents. Ainsi, la preuve en était faite. Ce philosophe du Nouveau Monde avait atteint le cœur de tous les Européens. On entend bien dans cet extrait Karl Bouchard, il est acclamé en héros, Wilson, au moment de son voyage en Europe. Et c'est dans ce contexte-là que les Français vont se mettre, mais vraiment par milliers, à lui écrire. Pourquoi? Pourquoi ce mouvement-là? Pourquoi on veut écrire à Woodrow Wilson? On veut écrire Woodrow Wilson pour plusieurs raisons. Il vient à Paris. C'est déjà une nouveauté. C'est la première fois qu'un président américain se déplace hors du continent. Donc, le fait qu'il arrive à Paris, c'est déjà très impressionnant. Il arrive aussi à Paris avec une réputation qui le précède. Cette réputation, il a permis de gagner la guerre. C'est un homme généreux. Il y arrive d'un pays avec de nouvelles idées. Il est désintéressé, c'est-à-dire que les Américains ne revendiquent aucun territoire, aucun traitement de faveur dans le contexte de la paix. Et les Français ont l'impression qu'il n'est pas comme les autres, qu'il dit des choses que les autres hommes politiques ne disent pas. Ouais, c'est l'espoir, Wilson. C'est le Nouveau Monde, hein, le philosophe du Nouveau Monde. Il y a un peu de ça. Ouais. Et on va lui écrire massivement. Tout le monde lui écrit, là. Jeune, vieux, riche, pauvre. Qui, vous avez épluché ces lettres-là. Ouais. Si on schématise, qui lui écrit? Effectivement, à peu près tout le monde. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Un peu plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. Il y a des personnes âgées qui lui écrivent, et souvent des personnes âgées dans le besoin qui vont lui écrire. La dispersion géographique est aussi assez impressionnante. Il n'y a que 3 départements en France où je n'ai pas de lettres, je n'ai pas retrouvé de lettres. Essentiellement, elles viennent de la région parisienne à plus de 50%. Mais sinon, des lettres arrivent de partout, de la plus grande ville à la plus petite campagne. On prend la peine de lui écrire, ce qui est un geste fascinant parce qu'on a... On a l'impression que cet homme-là va effectivement nous lire. Il y a évidemment, on le comprend bien, c'est la fin de la guerre. Il y a un mouvement, un élan très patriotique. Vous allez entendre dans l'extrait qui suit le patriotisme. Le patriotisme français, mais aussi beaucoup, puis on y revient dans un instant, Karl Bouchard, le patriotisme américain, l'admiration qu'ont les Français pour Wilson et pour les États-Unis d'Amérique, extrait d'une lettre écrite par Albert Hahn le 7 janvier 1919. Cher Monsieur le Président, avant votre départ pour votre pays, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance à vous et à votre patrie. La France entière a applaudi vos magnifiques soldats, et moi, jeune collégien qui n'ai pas eu le bonheur de combattre avec eux, ni de contempler de près leur courage et leur amour pour la France, je suis heureux de pouvoir vous dire l'admiration que moi et ceux qui m'entourent ont éprouvée pour les États-Unis. Aussi, Monsieur le Président, je vous assure que jamais je n'oublierai une telle générosité des États-Unis et de leur chef, et si votre pays était menacé comme l'a été la France, ce serait avec générosité que je lui offrirais ma vie. Et du fond du cœur, Monsieur le Président, je suis heureux de vous dire « Vive le Président Wilson, vive les États-Unis ». On l'entend bien, Karl Bouchard, dans cette lettre, il y a une reconnaissance, mais il y a une admiration à ce moment-là de la France, des Français, pour ce nouveau monde, pour ce sauveur qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Oui, il y a toute une tradition sur le rapport très ambigu qu'entretient la France avec les États-Unis. Et c'est clair que cet épisode-là est un épisode d'américanophilie absolument exceptionnelle et qui va être marqué quelques mois plus tard, par un reflux. Parce qu'effectivement, la paix ne tournera pas comme les Français l'attendent. Ce qui est intéressant aussi dans cette lettre, c'est le sens du sacrifice. On ne retrouve plus aujourd'hui, forcément. Là, on a quand même un collégien qui est prêt à offrir sa vie pour sauver les États-Unis. Reconnaissance au point de dire, si un jour je peux servir pour vous, je le ferai. Je le ferai. Et ce n'est pas la seule lettre qui fait ce genre de témoignage. Il y a dans ces lettres, un dernier extrait, il y en a eu des milliers, qui est intéressant parce qu'il nous montre au moins 2 choses. Le degré d'intimité parfois qu'on atteindra dans ces lettres. Et puis, la valeur historique, les lettres, il y aura beaucoup de demandes d'aide directe au président Wilson. Le besoin, la situation des Français, on la voit dépeinte dans ces lettres-là. Puis ce sera le code de cette lettre dont vous allez nous parler et dont vous allez nous lire un extrait. Mademoiselle Remond, qui est dans une situation très particulière, elle est enceinte, son fiancé est soldat, il est retourné sur le front, il est mort. Elle se retrouve donc enceinte sans possibilité de se marier. Elle lui écrit le 15 décembre. « J'espère en votre grande bonté, Monsieur le Président. C'est pour cela que je vous fais le grand aveu de ma faute. Personne au monde n'en sait rien, même ma pauvre mère si bonne. car j'ai peur de lui faire de la peine. Elle n'en a que trop déjà vécu par cette guerre. Elle en a vu toute sa fortune engloutir, étant de Valenciennes. Et je ne veux pas lui être à charge. C'est pourquoi je voudrais du travail assez rémunérateur qui me permette de faire quelques économies pour la venue de mon petit. Et si je viens à vous, c'est que j'ai peur de ne pas en trouver, car les femmes sont remplacées en ce moment. Et avec mon état, je suis plutôt faible, étant d'une santé très délicate. Encore une fois, Monsieur le Président, excusez-moi si je vous écris. J'avais pensé aller jusqu'à vous, mais j'ai réfléchi qu'on ne me laisserait pas passer. Et d'autre côté, je n'ai que le samedi après-midi et le dimanche de libre. Et ces deux jours-là, vous étiez si pris. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes hommages les plus respectueux. C'est fascinant. Lettre de confession avec, puis là, beaucoup d'autres le feront, un espoir, une demande concrète. Une demande concrète qui montre justement la réputation de générosité du Président, sa réputation d'humanité aussi, parce que effectivement, il est inconcevable, j'ai quand même fait des recherches, mais je ne les ai pas trouvées. Je ne pense pas qu'on puisse avoir l'équivalent dans les archives françaises d'une lettre d'une jeune fille au président de la République. Donc, il y a quelque chose là d'assez fascinant. Il y a aussi une grande candeur, évidemment, sur cette idée qu'elle croit qu'elle peut avoir accès à lui. Donc, elle a quand même pensé aller le voir. Mais bon, elle s'est dit, bon, son horaire est trop chargé, je vais vous écrire plutôt. Et donc, il y a encore une fois cette réputation, cette idée qu'il est très accessible. Il est donc différent de tous les autres hommes politiques. Elles viendront par milliers, ces lettres, écrites en français. Comment elles seront traitées? Oui, les lira? Est-ce que Wilson les lira? Est-ce que Wilson répondra? Voilà. Elles sont à 90% en français. Donc, c'est aussi assez significatif. Très peu de gens prennent la peine de lui écrire en anglais. Ceux qui le font souvent le font un peu par stratégie. Ils se disent qu'on va mieux les lire si c'est écrit en anglais. Alors, lorsque les lettres commencent à arriver, on doit trouver des formules. Comment les gérer? Comment traiter le dossier? Il y aura des employés d'administration qui sont responsables de traduire ces lettres, d'en faire des résumés pour le secrétariat de Wilson. Et puis, on répondra à chacune de ces lettres. C'est aussi quelque chose d'assez fascinant, et dans les lettres aux autorités politiques, c'est toujours le cas. On répond. Et dans ce cas-ci, on répond des réponses très standardisées. J'en ai quelques-unes, notamment, où Wilson a répondu personnellement. Ouais. Certaines vont monter jusqu'à Wilson, et ça montre aussi à quel point on tient ça à cœur, parce que Wilson se fait le représentant des peuples. Alors, c'est normal que le représentant des peuples, dans la paix, écrive à ceux qui lui ont écrit, réponde à ceux qui lui ont écrit. Carl Bouchard, c'était fascinant, historien à l'Université de Montréal, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Vous venez, je le rappelle, de publier « Cher Monsieur le Président, quand les Français écrivaient à Woodrow Wilson », c'est publié aux éditions Champ-Vallon. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Avec plaisir. Merci également à toute l'équipe, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.